single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Bébé, bébé, bébé, yeah, yeah. Bébé, bébé, bébé, yeah, yeah. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Bébé, bébé. Bébé, bébé, yeah, yeah. Bébé, bébé. Bébé, yeah, yeah. Elle m'en veut, et se sent salie, le cœur visé en deux. Je m'en veux, de la voir trahir, elle ne sera plus pareille entre nous deux. Plus de confiance, non plus de respect. Elle me calcule plus, je sais plus quoi faire. J'ai sorti le grand jeu, balade sur les champs avec quelques roses. Faire pardonner, première chose. Mon cœur et ma vie, c'est ce que je lui propose. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Bébé, bébé, bébé, yeah, yeah. Bébé, yeah, yeah. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Bébé, bébé, bébé, yeah, yeah. Bébé, bébé, bébé, yeah, yeah. N'écoute pas ces bandits, je suis sincère. Je suis ton homme, t'es la seule après ma mère. Pourquoi cette guerre me fait vivre cet enfer? C'est crasse, j'en ai rien à faire. N'écoute pas les ongis des haters, gal. Bonne veste, hap, gal, la bro, pack mangas. Dans le magie, c'est une chance de prouver que je suis apte de faire de toi ma femme. Je veux tu portes mon nom pour te remettre madame. Je veux plus jamais revivre mon métier, tchénandan. Je me suis foutu dans une merde. Ouais, ouais, ouais, ouais, dans une merde. C'était trop facile et mal hypnotisé. Ce visage d'ange, c'était diable avec ta putain de hanche, man. Danger, danger, tentation, j'ai mangé, j'ai mangé. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Bébé, bébé, bébé, yeah, yeah. Bébé, bébé, bébé. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Me single ma chérie, me single ta. Me single tiezemer, je suis sincère. Bébé, bébé, bébé, yeah, yeah. Bébé, bébé, bébé, yeah, yeah.